Section 25 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 25. Aphorisme par Marie Deppner-Eschenbach. Dire le premier, une chose qui se comprend d'elle-même, c'est s'assurer l'immortalité. L'invisible est ce qui nous séduit éternellement dans la beauté visible. C'est comprendre bien peu de choses que de comprendre uniquement ce qui se peut expliquer. On peut avoir raison d'un jugement, jamais d'un préjugé. La confiance, marque de courage, la loyauté, marque de force. L'homme actuel est né pour la critique. Dans Achille, ils ne voient que le talon. Heureux pessimistes, quelle joie ils éprouvent après avoir démontré que la joie n'est pas de ce monde. Quiconque n'a pas tenté l'extraordinaire n'a jamais rien fait de passable. Il faut vaincre, ne jamais triompher. Le hasard n'est que la nécessité drapée d'un voile. Voir sans envie d'autres obtenir des succès auquel on aspire soi-même, c'est de la grandeur. L'orgueil est un vice plébien. Vieillir, c'est devenir clairvoyant. La grâce est une expansion de l'harmonie intérieure. Que de sagesse il faut pour être toujours bon. La vérité la plus élémentaire et la plus connue nous frappe et nous paraît admirable quand nous en faisons nous-mêmes l'expérience. L'homme positif ne raille rien aussi amèrement que la générosité dont il se sent incapable. Très souvent, nous exigeons des qualités aux autres afin de donner les coudées plus franches à nos défauts. Au plus raisonnable de céder, c'est avec cette maxime que l'on a établi la suprématie de la bêtise. Une persévérance inébranlable, une abnégation digne, forment les deux pôles extrêmes de la force humaine. Rien ne manque aussi naturellement qu'une occasion qui se représente tous les jours. Le plus souvent, nous sommes parvenus à savoir attendre quand nous n'avons plus rien à espérer. Fin de la section 25, lue par Margot.